Voilà, il fallait faire un choix, prendre un film avec JCVD, et contrairement à Steven, le choix est ardu. Alors bon, j'ai arrêté mon choix sur un film particulier, mêlant intelligemment réalité et fiction et reposant quasiment uniquement sur le jeu d'acteur de Jean-Claude. Car il ne faut pas l'oublier, mais l'ami JCVD est un acteur convaincant dont les talents martiaux ont éclipsé le reste. Et bon, les interviews à la con aussi, hein. Ici, JCVD est JCVD. Pas tout à fait lui-même, mais une sorte de déclinaison de ce qu'il aurait pu être. En voulant retirer de l'argent dans une banque, il se retrouve, malgré lui, mêlé à un braquage. Très vite, les médias s'en mêlent et les choses s'emballent. Toute la Belgique le prend pour le braqueur. Le film a des défauts, soyons honnêtes. L'image est très plate, dans des tons trop sépia, l'antagoniste, le cerveau du braquage n'est pas bon, et la bêtise des uns et des autres trop caricaturale. Mais JCVD est impérial. Il porte le film sur ses épaules, révélant une sincérité et une naïveté extrêmement touchantes. Il y a deux scènes réellement fortes émotionnellement. Une où il veut faire un retrait, et un super monologue, face caméra, en plan séquence, où la technique du réal et de l'acteur sont sublimées l'un par l'autre.